Bienvenue à cette conférence diffusée du deuxième étage. Jean, t'es pas mis en robe à soi, toi. Ça a peut-être été la meilleure conférence de l'année. Ah, certain. Hein? Il y en a qui sont d'accord. Ben, mais je l'ai non, pas d'accord, c'est pour ceux qui sont d'accord. Pas en robe. Ah, OK. En kilt? Quand même okay, pourquoi pas, au moins, ce serait plus... Oui, ça se peut. Le titre de la conférence, « La joie, rayonnement de la race nouvelle ». Il faut être joyeux pour faire une conférence comme ça. Eh bien, c'est ça. On se chauffe d'ici une heure et demie, on devrait être correct. Il y a la joie, il y a le bonheur. Oui, il y a. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part la joie et le bonheur? Le plaisir. L'extase. L'illusion. D'autres choses. Quelque chose qui sont dans le même ordre d'idées. Puis qu'on associe souvent les uns aux autres. On dit, je suis joyeux, je suis heureux, je suis de bonne humeur. Normalement, quand tu dis ça, tu es souvent menteur. Non, ça, on ne le dit pas. Ça, parce que la majorité des personnes se connaissent mal, se connaissent insuffisamment, se méconnaissent et ont besoin d'une façon, de plusieurs formes d'illusions pour arriver à se mettre des manteaux pour vraiment se cacher, pour ne pas se voir. Vois-tu le problème qu'il y a, c'est que un ego, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'intéressant, un ego. C'est des mémoires réincarnationnelles, ça a une certaine forme de pureté, ça a une expérience, évidemment. Et ça a, c'est régi par certaines lois, les égos, les centres de la psychologie humaine. L'ego a besoin de se nourrir, a besoin de s'exprimer pour savoir qu'il existe. Donc, s'il ne s'exprime pas, il s'ennuie, puis lentement, il meurt d'ennui, c'est-à-dire qu'il finit par se perdre en mémoire, donc il meurt réellement. Et ils ont besoin de se nourrir, de s'alimenter, ça veut dire qu'ils ont besoin de rituels, d'habitudes, ils ont besoin de répéter sans cesse les mêmes choses ou de revoir sans arrêt les mêmes personnes, sans soi, encore une fois, ils s'ennuient, ils souffrent. Ça, c'est l'ego. Alors, l'ego a des handicaps, évidemment. Par contre, l'ego, c'est des... le gros handicap de l'ego, c'est qu'à un moment donné, un jour, et ça, l'ego le sait, les égos, l'humain, c'est ça. Le gros handicap, c'est qu'à un moment donné, l'ego devra fondre, si on appelle ça s'anégoïser. Alors, à un moment donné, l'ego devra devenir transparent, c'est-à-dire que l'ego devra oublier sa mémoire, tout en conservant l'énergie qu'il maintient, qu'il crée, mais en perdant l'information. C'est un peu comme on a une disquette d'ordinateur, bien, à un moment donné, on va effacer ce qui est dessus. Mais la disquette peut penser que si on efface ce qui est dessus, c'est qu'on met la disquette dans le feu. C'est sûr, quand on met la disquette dans le feu, on efface ce qui est dessus. C'est correct. Mais il y a d'autres façons d'effacer ce qui est dessus, ou de reformater la disquette sans nécessairement détruire la disquette. Alors, l'ego, c'est le processus mémoriel, c'est la partie historique de l'humanité qui a été ramassée à travers le temps par la souffleuse, tu connais un peu la mécanique, bon. Alors, on est une forme de Pac-Man de l'évolution, c'est-à-dire qu'on mange, on mange, on mange, et on ne peut pas changer le passé, parce que mais le passé existe chez nous, et progressivement, on grignote l'avenir, et on en fait notre présent, et puis finalement, on l'accumule en mémoire. C'est le rôle de l'humain, de toute façon. Un des rôles. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ego, lui, est convaincu qu'à un moment donné, on va prendre l'énergie de l'information et on va complètement la transformer pour faire quelque chose d'autre. Et inconsciemment, il sait cela. Parce que lorsque l'humain a eu son effusion, on dit dans les religions, ça chute, mais l'humain n'a jamais chuté. Ça voulait dire chute. Ça ne parle pas. C'est bon. Alors, l'humain n'a rien su après, c'est chute. Et puis, donc, après la chute, après le mot chute, mais à l'époque, l'humain savait des choses et au fur et à mesure qu'il se refroidit, il a plus ou moins oublié certaines choses. Mais fondamentalement, vous savez tous que vous n'êtes pas uniquement de la chair. Hein? Bon, fondamentalement, l'humain sait qu'il est relié quelque part à quelque chose. Il ne comprend pas la mécanique, il n'a pas encore les mots pour dire la mécanique. Mais l'humain sait des choses. C'est ce qui va faire en sorte que l'humain va être capable d'inventer et de supporter l'espoir, par exemple. C'est que l'humain ne sait pas quoi, mais il sent qu'il y a quelque chose. Par contre, ce qui va arriver, c'est que quand il y a de l'eau qui sort d'une source souterraine, si tu veux savoir d'où vient l'eau, ben on peut inventer des raisons. Et ça, c'est un processus d'ignorance. Et le processus d'ignorance, c'est le processus de la majorité des théologies. C'est le processus de la majorité des phénomènes cartésiens, des phénomènes intuitifs, des phénomènes émotifs. C'est-à-dire qu'on va essayer de théoriser, d'inventer des théories ou de conceptualiser, d'inventer des concepts sur la provenance d'eux. Alors, à un moment donné, nous, on sait qu'on est relié quelque part, on sait des choses, mais on n'en sait pas plus, pas encore. Les humains qui commencent à savoir. Alors, étant donné qu'on sait quelque chose, eh bien, on va engendrer l'espoir, et puis là, on va commencer à tenter d'expliquer la source, d'expliquer d'où ça vient ou d'expliquer où on va. Ça, c'est un processus d'ignorance qui est intéressant, qui est salutaire, on a besoin. Sauf que tant qu'on sait que c'est une théorie ou un concept, c'est pas dangereux, c'est salutaire. Quand on appelle ça la vérité, ça devient dangereux. Et là, ce qui arrive, c'est que l'ego, lui, sait des choses inconsciemment, mais il a peur, parce qu'il comprend pas. Un jour, toi, Charles, tu vas finir par être heureux. Mais ton ego a probablement peur quand je dis ça. Pourquoi? Parce que être heureux implique des choses. Disons, par exemple, que tu es une personne qui fait, disons, que tu es alcoolique à tes heures. Ben, devenir heureux complètement, pour ton ego, ça va probablement impliquer qu'il faudra qu'il ne boive plus. Ça faudra peut-être impliquer qu'il faudra qu'il soit plus sexiste. Ça va peut-être impliquer qu'il faudra qu'il soit plus, par exemple, qu'il vive d'un complexe de supériorité ou d'un complexe d'infériorité. Ça va impliquer des changements. Ça va impliquer que peut-être que tu ne pourras plus sortir avec certains de tes amis pour aller faire des mauvais coups quelque part. Ça va impliquer des choses. Alors, quand on parle de joie ou qu'on parle de bonheur, nécessairement, l'ego a peur. Ça le rend malheureux. Et c'est pourquoi il va créer des manteaux. Manteaux, dans le sens menteur, puis à un moment donné, il crée des manteaux avec ça, avec ses mensonges. Et qu'est-ce qu'il va faire l'ego? L'ego va s'arranger pour créer une mécanique qui va le soustraire du regard de l'intelligence. C'est-à-dire que l'ego va s'arranger au courant de sa vie. Quand je parle de la vie de l'ego, évidemment, on parle, on se comprend tout le monde, on parle d'une affaire de 45 millions d'années minimum. Hein? Bon. Alors, au cours de sa vie, l'ego va créer des couches qui vont amener, les couches devront être de plus en plus épaisses, de plus en plus solides, au fur et à mesure que l'intelligence va être de plus en plus présente dans ton entourage, parce que ton ego va s'arranger pour que l'intelligence ne puisse pas le trouver. Pour ne pas l'égoïser. Pour ne pas le purifier. Autrement dit, l'humain fait tout depuis très longtemps pour fuir devant la joie, pour fuir devant le bonheur. Il y en a une peur bleue. Parce que l'ego, oui. Pourquoi il y en a peur comme ça? Parce que l'ego, c'est créer des habitudes pour se sécuriser. Mais la sécurité, c'est pas la joie. C'est la sécurité. Je suis sécurisé. J'ai mon fusil, je dors avec mon fusil, je suis sécurisé. Tu sais, je suis dans le bois, je suis sécurisé. Mais je ne suis pas joyeux, je ne suis pas heureux. J'ai mon fusil, je ne suis pas heureux. Hein? Bon. Alors, l'ego, lui, c'est créer... Tu veux pas, l'ego ne veut pas se faire enlever. Veut pas ah non, c'est créer des habitudes, lui. Sa sécurité ou sa relative tranquillité. Mais c'est ce qui va arriver. Chaque fois que tu vois quelque chose dans le bois, tu te mets à tirer. Qu'est-ce que tu as peur? Là, on te parle de bonheur. Un jour, tu pourras sortir dans le bois sans tirer sur rien. Là, ton ego a une maudite peur, parce que là, ça veut dire que peut-être il faudrait que je perde mon fusil. Mais là, si je me fais fourrer et en perdre, tu sais, je décide pas que tu jettes ton fusil. À un moment donné, c'est évident que tu vas jeter ton fusil. Il y a une nuance. Mais l'ego se dit, ouais, mais moi, j'aime ça me promener avec mon fusil. T'aimes ça te promener avec ton fusil parce que ça te sécurise. Tu connais pas la valeur de ce que c'est que la joie. Tu vas être au-delà de la sécurité ou de la sécurisation. Sauf que tu le sais pas. Alors, l'ego a une peur réellement massive de l'intelligence prémentale, de l'esprit. L'ego a une peur massive de la joie ou du bonheur. L'ego a une peur massive du paradis. Une peur bleue. Pourquoi? Parce qu'il devra changer des choses. Combien de personnes se disent, si un jour je deviens riche, là, d'ailleurs, on vérifie les égos à un moment donné, puis on se rend compte que la majorité des égos ne veulent pas devenir riches, même si les personnes veulent devenir riches, parce qu'ils ont l'impression qu'en devenant riches, il faudra qu'ils vivent des vies de riches. Par exemple, tu perds la majorité de tes amis, tout le monde te jalouse, on te quête sans cesse pour t'emprunter de l'argent, on te traite de chien ou de cochon si tu ne veux pas prêter de l'argent parce que tu es un maudit gros riche, puis tu devrais, bon. Il y a tout un phénomène égrégorien, puis souvent les personnes qui ont de l'argent, bon, vont être alcooliques, vont prendre de la drogue. Puis là, on dit, c'est pas vrai, mais je connais une personne, moi, qui s'est enrichie énormément parce qu'elle vendait de la drogue, et puis elle vendait de la drogue uniquement à la grosse clique de notre société. Là, je pourrais vous parler, par exemple, de grosses compagnies qui sont absolument phénoménales, où quand il y avait des fêtes, des parties, c'était des parties de Noël tout le temps, il y a de la neige en masse. Puis lui, fournissait ça. Parce qu'à un moment donné, ces personnes-là ne peuvent pas supporter. L'ego a une peur bleue du bonheur. Ça va bien dans la famille, tu vas voir qu'à un moment donné, il y a un membre de la famille qui va commencer à souffrir de tout ça, il est insécure. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas que ça aille trop bien. Ça va trop bien, il va m'arriver quelque chose. Oui, mais on s'arrange pour qu'il nous arrive quelque chose. Parce que chaque fois qu'il arrive quelque chose, quand ça va trop bien, si on étudie convenablement, disons d'une façon plus cosmique, ce qui s'est passé au niveau de l'individu, on va se rendre compte que l'individu est le vecteur déterminant, c'est lui qui lance, c'est le leitmotiv, c'est lui qui lance, c'est l'instigateur du pot qui va suivre les fleurs. T'sais, on te coupe une fleur, on te donne une fleur. Puis toi, tu cherches le pot, tu cherches la roche à côté de laquelle la fleur poussait, puis tu t'en donnes un coup sur la tête après, puis là, tu te dis, il me semblait bien, écoute, c'était pas arrivé. On est-tu content, hein? On a eu raison. Sans ça, on est stressé. Ça va trop bien. On est stressé. Ouais, mais là, c'est une partie de bonheur de dire au moins, j'avais raison. C'est dans la... Ouais, mais c'est comme une relation sexuelle. Hein? Ça prend 2 jours pour la préparer, pour arriver à réchauffer l'autre, puis ça dure 22.5 secondes. Puis après ça, ben là, c'est... Ça valait la peine, hein? C'est comme bonheur, c'est pas fort, hein? C'est comme l'autre qui se drogue à cause qu'il va être heureux. Quand il fait son petit voyage, il est bien heureux. Quand il revient, là... Mais ça valait la peine, là. Puis 15 minutes... Hein? 2 jours? Ah, je pensais que c'était 15 minutes, là. Il n'y a même pas la notion du temps. Ce qu'on appelle bonheur, puis les qualificatifs qu'on donne à une joie apparente, là, dans le fond, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est un anti-malheur périodique ou temporaire. Ben, si on parle d'une façon plus absolue du bonheur, c'est effectivement un événement, un état d'esprit, un état d'humain qui est totalement désassujetti des polarités. Ça veut dire que si on regarde la joie, par exemple, dans l'ère nouvelle, l'individu qui est joyeux n'est pas joyeux parce qu'il n'est pas malheureux. Il n'est pas joyeux par différence de potentiel avec son malheur. Parce que là, c'est comme ça qu'on le mesure. Oui, parce que toi, tu sais que tu es joyeux, si tu vois les voisins crever de faim, tu sais que tu es correct. Mais si tout le monde fonctionne en Mercedes, puis tu es encore avec ton petit char, tu ne peux plus être joyeux. Alors, il te manque un œil, au pays des aveugles, tu es joyeux. Au pays des mondes qui ont deux yeux, tu es un handicapé, tu es extrêmement malheureux. Mais il n'y a rien qui a changé chez toi. À part, évidemment, ta vision du bonheur ou du malheur. Alors que la joie dans l'ère nouvelle, qui va être le bonheur de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus absolu, c'est-à-dire qui est totalement détaché des polarités. Je suis joyeux parce que je m'aime, mais pas je m'aime parce que je dis que je m'aime spirituellement. Je m'aime dans le sens que je me déteste pas. Ça fait comme évident. Mais la majorité des personnes qui s'aiment ou qui disent s'aimer se détestent. Elles ont continuellement à se trouver, elles ont continuellement à se défoncer, elles ont continuellement à parler et à convaincre autrui pour se convaincre eux-mêmes. D'ailleurs, les religions, c'est toujours comme ça. Les personnes ne sont tellement jamais certaines ou convaincues. Quelqu'un qui a la foi totale dans sa religion, il ne fait pas de la conversion. Il ne se promène pas pour convertir les gens. Ceux qui veulent convertir les gens, c'est ceux qui doivent répéter sans cesse. Et plus il y a de monde là, qui sont d'accord, plus sont ceux qui ont raison. Parce que si faites la conversion de votre religion que vous inventez, là, puis tout le monde vous en va promener, vous allez être sûr que vous vous trompez. Et quand vous commencez à en accrocher un, à en accrocher un autre, d'un coup, c'était un médecin, d'un coup, c'était... Ah, ben, t'as pardon, j'ai raison, probablement. T'sais. Puis quand t'es rendu à 20 ans, là, t'es sûr que t'as raison. Puis après ça, quand quelqu'un te fait un refus, t'es détruit. Là, ben, tu m'ouvres la porte à une question. Pourquoi vous... Ça ouvre la porte à une réponse. J'en doute pas. Mais pourquoi des conférenciers comme toi existent? Pour les mêmes raisons? Ah, ben ça, écoute bien, c'est parce que... Je dirais pas pourquoi les intervieweurs existent, hein? Moi, je suis là uniquement pour répondre à tes questions. Okay. C'était là uniquement pour me poser les questions qu'il faut pour que je puisse répondre. Non, c'est simplement que moi, je suis ici, premièrement, c'est évident, on le sait, de toute façon, on le dit souvent. Les personnes qui viennent pas souvent, peut-être, ne savent pas encore, mais moi, je fais des conférences uniquement parce que j'apprends quand je fais des conférences. Je ne répète pas toutes les choses que je sais. J'apprends énormément quand je fais des conférences parce que je bénéficie de l'énergie questionnative des personnes qui assistent aux conférences. Je bénéficie évidemment de tes questions. Toi, tu ramasses aussi pas mal ce qui se passe au niveau de la salle. Après, on a les questions du public à la deuxième partie. Et en posant des questions neuves, ça nous évite de rester cristallisés dans quelque chose. C'est des conférences qu'on ne prépare jamais. Ça a un avantage indéniable, c'est qu'on reste vivant là-dedans. Et ça permet à l'intelligence de pouvoir passer. Donc, moi, je fais des conférences parce que j'ai intérêt à faire des conférences parce que j'apprends. Alors que si je ferais, par exemple, de la conversion, bien évidemment, on aurait un schéma particulier, une structure qu'on aurait placé, par exemple, dans un livre, puis on n'en déborde plus. Un mode d'emploi ou un... Exactement. Alors qu'on va aller avec des sujets de plus en plus nouveaux, puis il y a plusieurs sujets que c'est les gens qui nous les suggèrent. Puis les questions, évidemment, c'est des questions sur n'importe quel sujet. Donc, c'est justement pourquoi je fais des conférences, d'ailleurs. Puis ça, de toute façon, tu le sais, mais c'est intéressant qu'on le dise. Au moins, en tout cas, ça me permet de le savoir encore. Hein. Mais c'est pour ça qu'on fait que des conférenciers comme moi existent, pour eux autres. Donc, la joie, si on revient à ça, l'ego qui est pas si pire, il y a d'expérience, puis l'ego, à un moment donné, ce qu'on fait, il faut qu'on le reprogramme, il faut qu'on lui dise, écoute, tu as toujours chassé le bison avec une hache de pierre, mais là, maintenant, on peut faciliter ton travail, il faudrait que tu prennes un fusil. L'ego, il prend le fusil, là, puis il montre comment ça fonctionne, puis quand il tire un coup, ça fait un gros bruit, puis il se pousse en courant, lui, il y a un volcan dans l'affaire, il comprend rien. Puis, il est sûr que c'est le diable, puis il s'est fait avoir. Là, faut qu'on y explique à l'ego. Mais l'ego, fondamentalement, c'est pas quelque chose de mauvais. Il y a une partie structurée des manteaux qui fait partie de l'anti-homme, c'est quelque chose d'autre qui est trop long à expliquer, qu'on touche plus au niveau du séminaire, mais c'est un peu long à expliquer, mais c'est pas nécessaire pour la conférence de ce soir. Mais à travers les manteaux, ce que l'ego va faire, lui, c'est qu'il finit, finalement, par vouloir se soustraire du regard de l'intelligence, de la joie. Bon. Pourquoi? Parce que la journée, vous allez devenir des êtres vraiment convenables pour vous-même, là. De la journée, vous n'aurez plus de problèmes et de malheurs avec vous. Ben nécessairement, vous allez avoir dû changer des choses. Par exemple, quand vous allez vous sentir bien dans votre corps physique, c'est parce que vous allez le nourrir mieux. Hein? Ah oui, mais là, ça veut-tu dire qu'il faut que j'arrête de manger du sucre blanc à cuillère? Ah ben, quelque chose comme ça. Ça ne sort pas de maudit bon sens. C'est ça. quand tu es rendu à un certain âge ou à un certain processus de vieillissement ou de pathologisation, tu es rendu malade, tu regardes les autres là, qui sont pas malades, là, puis tu es jaloux, puis tu comprends pas, puis l'on dit encore, ben tabarnouche, cesse de faire telle chose. Puis l'ego a extrêmement peur. À un point tel, pourquoi vous pensez que les personnes ne veulent pas aller voir les médecins? OK, parce que les médecins, bon, tu sais, il y en a qui réincarnent Alexandre Legrand. Bon, lui, il est mort en disant, je meurs des soins de trop de médecins. Bon, c'est correct. Mais, pourquoi? Parce qu'on s'attend à se faire dire, premièrement, t'es malade. Mais souvent, on le sait déjà. C'est pas ça qu'on a peur. Il faut plus que je mange de gras, il faut plus que je fume, il faut plus que je fasse ceci, il faut plus que je fasse cela. C'est ça qu'on a peur. Ben, ben gros. Je suis pas si malade que ça. C'est ça. Le médecin pourrait dire, c'est vrai, c'est pas si malade que ça. Non, rempirez encore un peu, vous reviendrez, m'en redonner les mêmes conseils. Ça va être juste plus compliqué, mais c'est vrai, c'est pas si malade que ça encore. Je vous tenez encore debout. Mais l'humain a peur. D'ailleurs, les médecins qui sont vraiment directs, j'en ai connu quelques-uns qui disaient à leurs patients, si tu fais pas ce que je te dis, bon, ben, tu reviens plus. Moi, je perdrais pas mon temps de répéter la même chose trois fois. Les patients ne les aiment pas, ces médecins-là, parce qu'ils sont bien trop bêtes. Oui. On veut se faire dire, bon, pas si pire, là. Fume un peu moins. Non, mais surtout, que quand une personne va voir le médecin, c'est pas, mangez pas cela. C'est pas ça que le patient veut. Il veut des pilules. Dis-moi les pilules vont me guérir. Moi, on continue à manger ce que j'aime, mais les pilules vont me guérir. Avoue quelque chose pour dissoudre le cholestérol pendant que j'en mange. T'sais, la science est tellement, hein, c'est vrai, c'est une science d'homme préhistorique. On peut même pas fumer en paix. Ils n'ont même pas de pilules pour nous empêcher de mourir de cancer du poumon. C'est-tu écœurant? Bon, ils mettent des fils sur la place. Ça goûte. Je sais pas, je vais fumer. Bon. Mais une fois, pour être honnête. C'était du papier gazette avec du foin dedans, puis c'était pas bon. Il a fallu se prendre un journal à Montréal. Après, puis le foin était trop sèche, puis là, c'est pas. Donc, l'ego est entouré d'un manteau particulier, puis là, ce qu'il faut qu'on fasse, à un moment donné, dans la conscientisation, l'évolution, c'est l'accumulation de manteaux, de plus en plus jolis. C'est ça, l'évolution. L'évolution, c'est qu'on apprend des choses par l'expérience, puis on finit par devenir quelqu'un qui est un peu mieux. C'est-à-dire qu'on a un manteau, par exemple, d'une personne colérique, puis lentement, on structure un manteau d'une personne moins colérique, puis lentement, on structure un manteau d'une personne qui est douce. Alors, même si on est en colère en dedans, quand on vient pour dire quelque chose, c'est toujours doux. Hein? On a une personnalité particulière. Sauf qu'il y a une grosse nuance, évidemment, entre la personne, ce que vous êtes, et votre personnalité. Un peu comme lorsque on rencontre un président ou une présidente, les personnes, souvent, vont donner de la valeur à l'individu en fonction de la valeur du poste. Alors qu'on rencontre un président, ça, c'est le poste. Le poste a une valeur hiérarchique, l'individu est au même niveau que vous autres. On peut respecter le poste, mais on doit se respecter, nous, en ne se médiocrisant pas devant l'individu. Bon, les hiérarchies, c'est intéressant au niveau social, c'est évident, ça facilite les choses. Sauf que souvent, l'humain, il mélange le poste et l'individu. Et on ne doit pas faire ça. Vous êtes chômeur, est-ce que ça veut dire que vous valez moins que le président des États-Unis? Bon, chômeur orgueilleux va dire non, mais il pense que oui. Alors qu'en réalité, les deux personnes, c'est des humains identiques qui ont des schémas de vie différents, puis le poste du président est plus important que le poste de chômeur. Mais les deux humains ne sont pas plus importants ou inférieurs l'un que l'autre. C'est l'affaire à comprendre. Et ce qui arrive, c'est que l'ego, lui, va donc se faire une dernière couche, l'évolution spirituelle, l'évolution religieuse ou l'évolution d'un paquet de choses. Puis là, ces dernières couches-là finissent par être très jolies. Oh, c'est joli, joli. Et là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'intelligence commence à se rapprocher, puis l'intelligence va commencer, et c'est ce qu'on l'ego s'attend inconsciemment, c'est que l'intelligence va prendre la dernière couche pour l'ego. Alors, l'intelligence finit par atterrir chez la personne, puis la personne commence à se conscientiser, commence à prendre conscience de certaines choses, commence à devenir conséquentielle, commence à devenir écologiste, commence à avoir des choses, commence à avoir des réponses aussi neuves. Des vieilles questions. Elle commence à voir de l'illusion des endroits. Au début, elle appelle ça du mensonge. Ils m'ont menti, ils m'ont fourré là, puis ils m'ont compté des pipes, puis des salades. Mais progressivement, elle finit par se rendre compte que ce que les gens comptaient, c'était correct, puis c'était pour nous permettre de monter un niveau, puis maintenant, on s'en détache sans cracher dessus. Mais ce qui arrive, c'est que l'intelligence, ça a un défaut. C'est intelligent. Et à un moment donné, ben, on finit par percevoir jusqu'au fond de notre ego que le manteau qui est en surface, c'est un manteau. Que tu étais menteur. Puis là, enfin, l'intelligence va commencer à traverser ce manteau-là. Puis là, elle atteint le deuxième manteau. Puis tu commences à en connaître un peu plus sur toi. Mais tu n'en connais pas plus sur toi, tu en connais plus sur ton manteau. Toi, au fin fond, tu es correct. Moi, au fin fond, je suis correct. On est tous corrects au fin fond au niveau de l'ego. Quand l'humain va mal, il y a des manteaux qui arrivent là, mais l'humain est correct. Il n'y a pas un humain sur la planète, là, que quand il pose des questions sérieuses, là, faut se prendre à part. Parce qu'en groupe, évidemment, son intelligence est assez divisée par la quantité d'individus présents. Mais quand on regarde les soldats irakiens, là, quand ils se battaient, ils se battaient. Parle-leur, demande-leur, c'est-tu bien correct ça que tes enfants sont morts là-bas? Il dit, bon, il veut pas, non. Mais c'est-tu bien correct que tu viennes tuer nos enfants? Non, ça n'a rien à voir non plus. Mais c'est-tu bien correct? Non, l'humain est bon. L'humain qui est bien endoctriné, c'est parce que l'intelligence le touche pas encore, puis ses manteaux sont oui, vous êtes un capitaliste, etc. Bon, ben lui. Mais laisse-le aller un peu, puis tu vas voir à un moment donné, là, il va avoir ras-le-bol en sacre bleu aussi, de casser la gueule aux gens, puis de se casser la gueule, puis tout l'humain est prêt, bâti pour la paix. Mais les manteaux! Alors l'intelligence descend l'enfant un peu plus, puis là, subitement, les individus, ils se disent, ouais, mais tabarnouche, je suis pas mal plus laid que je pensais. T'es pas plus laid que tu pensais, ben t'es plus laid que tu pensais, non. Là, on est rendu dans une couche de manteau qui est pas jolie. C'est parce que là, c'est les deux manteaux qui se comparent. Le manteau du dessus trouve le manteau du dessous moins beau, mais en réalité, c'est encore les deux manteaux. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, à travers la conscientisation, disons que tu as 25 manteaux, on dit 20 manteaux, l'intelligence va en noter 1, 2, 3, 4. Tu peux faire ça aussi par processus. En jasant entre nous, de temps en temps, on découvre, on apprend des choses. Mais au départ, c'était pas suffisamment d'intelligence. Quand on vient te parler d'un problème que tu as chez toi, quelque chose qui te nuit. Pas quelque chose qui me nuit. Quelque chose qui nuit aux individus. Si la personne n'a pas assez de conscience, ben, pense automatiquement qu'elle est jugée. Tu n'as rien à savoir, ça s'en va. Tu es toujours en train de se faire juger. Tu sais. Tu peux même pas péter tout à travers sans te le faire dire. Mais c'est correct entre humains. Quand vous faites quelque chose de pas correct, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est qu'il y a un ami quelque part qui vous le dit. Là, vous allez avancer rapidement. Là, vous allez être capable de fonctionner facilement. Mais on les aime pas, ces amis-là, parce que c'est pas reposant. Mais c'est sûr que c'est pas reposant, parce que l'ego a peur de se faire trouver par l'intelligence, de se faire débattir au complet. C'est pas ce qui va... Les manteaux vont se faire débattir. Pas l'ego. Pas l'ego. Fondamentalement, là, si vous découvrez, par exemple, que y a des choses que vous faites qui sont pas correctes, quand ça s'est réglé, vous allez être mieux avec vous, mais nous, on va simplement trouver que vous avez changé dans votre expression, mais on va vous reconnaître plus. Parce que fondamentalement, on sait ce que l'individu vaut. Mais on s'adapte à ce que l'individu veut communiquer. On s'adapte à ça. C'est un gros épais, puis c'est une grosse niaiseuse, puis on s'adapte. Cette personne-là est puissante, elle veut, elle fonce, puis quand elle fait une crise de cœur, allez la voir à l'hôpital. Elle broye, elle est tout petite, elle se demande ce qu'elle a fait, puis elle n'a jamais été grosse, elle n'a jamais été puissante du point de vue de l'ego. Mais les manteaux qui ont été placés par l'éducation, de la vie, par l'école, par les pressions sociales, ont fait en sorte que c'est ramassé avec un manteau très bulldozer. Mais après ça, non, c'est plus ça du tout. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'une pathologie particulière assez puissante peut faire éclater une partie du manteau. La personne, après, a dit « Ma maladie m'a énormément changé. » C'est sûr, parce que là, il a fallu que ton ego, puis l'intelligence, que ton ego a éliminé ce qui l'avait rendu valable. Enfin, il veut l'éliminer. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure qu'on ôte des petites croûtes, bien, nécessairement, on se rapproche de la joie, puis de du rayonnement de l'intelligence. Sauf qu'on arrive, on nous sort sur les 20 manteaux, on en a ôté, on va dire 21 manteaux, on en a ôté 7. Un tiers. Il reste deux gros manteaux, deux grosses croûtes de sept niveaux. Quand on a ôté un tiers, l'humain se sent mentalement plus évolué. Là, l'humain se sent prêt en tabarouette. Là, c'est ça, c'est plaisant. Là, c'est le fun. Après un tiers de croûte d'ôté, là, t'es prêt peut-être à la désinhibition, t'es prêt peut-être à une forme de conscientisation plus évidente, t'es peut-être prêt à rencontrer des individus. Il y en a qui disent on devrait se faire un petit village, on devrait se louer un bloc appartement puis vivre ensemble dedans. On devrait faire des choses comme ça. T'es prêt. Parce que là, on commence à mesurer un changement. Ah, ben, ah oui! Et là, tu vois un changement, puis en plus, tu te rends compte, tu finis par te faire confiance à ta capacité de reconnaître l'intelligence, parce que tu commences à être bien. Tu commences à t'aimer. Donc, nécessairement, tu finis par faire confiance à ta conscientisation. Là, il y a un maudit problème qui s'en vient. Parce que si vous commencez à faire confiance à votre conscientisation, vous allez commencer à moins protéger votre ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas commencer à parler plus clairement, d'une façon plus transparente avec les individus. Tu vas commencer à te révéler un peu plus à eux, donc à toi. Et à un moment donné, ben nécessairement, tu vas encore te faire tripoter par l'intelligence. Mais là, les croûtes qui restent, c'est des grosses croûtes. Puis ceux-là, ces croûtes-là datent de longtemps. Les sept premières enveloppes qu'on va éliminer, c'est des enveloppes qui, normalement, font partie de votre vie d'adulte. Bon, normalement. Quand on attaque les deux autres blocs de 7, hein, les 14 autres couches, là, on commence à tripoter les couches qui ont été créées pendant votre adolescence. Ça veut dire, disons, 18 ans descendant. Et là, ça fait plus mal, parce que là, on vient ressasser des vieilles affaires chez vous, mais quand on vient ressasser ça, c'est vous, qu'est-ce qui arrive? L'ego se sent rapproché par l'intelligence. Alors, nécessairement, il commence à avoir un petit peu de panique. Et là, les croûtes qui se font ressasser auront tendance à se garocher en avant et à se reformer, se reprotéger. Et là, la personne peut avoir l'impression qu'après une immense conscientisation, après quelque chose de très intéressant, elle va faire une rechute puissante. Mais sa rechute, c'est une rechute illusoire, sauf que si elle n'est pas informée de la mécanique, elle peut retomber carrément. Et c'est fascinant de voir un individu, un homme, une femme ou un enfant, à un moment donné, qui monte. Puis subitement, ben là, ça ne monte plus. Puis là, subitement, là, c'est moins parlable. Puis subitement, c'est colérique. Puis subitement, là, c'est plus ça du tout. Puis subitement, là, il est 15, 20, 30, 40, 50 ans en arrière. Parce que l'ego a peur du bonheur. Alors, ce qui va arriver, c'est que là, l'intelligence, ça va venir descendre encore un petit peu plus là-dedans. C'est doux, l'intelligence, quand on respire. Est-ce que ces couches-là sont plus dures à enlever pour l'ego, pour l'intelligence? Ils sont plus dures parce qu'ils sont compactés. Ils datent de plus longtemps, ça. Ah, ben, les sept autres, eux autres, ils datent de vraiment longtemps. Mais celle-là, c'est de la naissance à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. C'est normalement ce sont les croûtes qui, normalement, auront permis de structurer ce que vous êtes, vous, en tant qu'adulte, dans votre vie. Parce qu'inconsciemment, on n'a pas peur de t'as peur d'être plus rien, si tu oses d'autre. C'est ça, vu que tu de plus être à la hauteur de ce qu'on avait pensé qu'on était. C'est totalement évident. Pourquoi? Parce que ces sept croûtes-là, c'est les croûtes qui vont faire de vous des adultes. Alors, c'est ce qui va faire que vous allez être fonceur ou fonceuse, que vous allez être entrepreneur ou entrepreneuse, que vous allez être capable d'étudier ou non. C'est ces croûtes-là qui vont vous former. Là, subitement, l'intelligenciation, la conscientisation arrive à ces croûtes-là. Là, ça va commencer à dire qu'il y a des choses là que tu commences à te sentir touché là-dedans. Ça veut dire que théoriquement, l'ego a l'impression que les fondements même de ce que vous êtes en tant qu'être adulte, les fondements, donc ce qui vous a permis d'arriver là, mais là, on commence à venir de effriter ça. On est en train de gruger le salaire. Ouais, là, pas encore. Non. Mais le premier étage, le salaire s'en vient. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que là, l'humain se sent extrêmement mal à l'aise, extrêmement mal. L'humain veut tout arrêter, peut-être. Et alors qu'en réalité, l'humain se dirige progressivement vers la joie, mais tout ce qu'il faut, c'est que l'humain ne résiste pas. Il faut connaître les mécaniques, évidemment, ça va aider, c'est sûr, quand l'ego est instruit. L'intelligence... Mais même si on connaît les mécaniques, comme c'est l'ego qui contrôle notre vie, la majorité de nos décisions, ce qu'on va manger, quand on va dormir, quand on va se reposer, quand on va travailler... Pas ta femme qui contrôle tout ça? C'est nos égos. Ton égo. C'est ça, elle contrôle mon... C'est son égo. Ton égo contrôle mon égo qui contrôle non, mais mon corps. Mais ta femme, c'est ton égo. Oui, c'est ça. Ton égal, mais c'est... On est égal, c'est... Je suis pas si sexiste que ça, quand je dis nos égos, c'est... Ben, c'est ça. Égal. Mais même si j'en instruis mon égo, il devrait faire autrement. Oui, mais là, ce qu'il faut que la personne fasse, c'est que la personne commence à exprimer... Les sept premières couches, il faut exprimer une des expressions intéressantes de la race nouvelle, c'est l'intelligence, puis l'esthétisme, l'écologie, puis l'aristocratie. Pendant la destruction des sept premières couches, la personne doit s'arranger pour être de plus en plus écologique avec elle-même, évidemment, conséquentielle avec ses décisions par rapport à autrui, pour éliminer du karma. Et elle doit de plus en plus être aristocrate. Ça ne veut pas dire s'habiller chicement. Ça veut dire être aristocrate, être belle de par elle-même. Mais ça veut dire avoir un langage qui est de plus en plus correct. Et avoir surtout une attitude mentale, une attitude d'esprit qui fait en sorte qu'on essaie de faire des événements qui sont esthétiques. Alors, on ne donne pas des bêtises à quelqu'un, c'est pas esthétique. On s'arrange pour faire des affaires d'une façon esthétique, avec des échanges d'énergie qui sont intéressants. Est-ce que ça se peut que, vu que lorsqu'on était adolescent, la majorité des adolescents refusent le monde adulte, ou en tout cas le rejettent, puis le contestent, puis ne l'aiment pas, que la première partie de cette couche soit plus facile à enlever, justement, parce que la partie d'ego qui est en dessous, qui est celle qu'on a acquise de 0 à 18 ans ou à peu près, elle, volontairement ou assez facilement, se débarrasse de cette couche supérieure? Non. Non, parce que la partie adolescence rejette le monde des adultes parce que ces adultes-là qui sont rejetés pour l'adolescent, souvent, sont tous des épais. La partie adolescente, là, elle est une partie qui veut être un adulte puis qui veut prouver à tous les imbéciles d'adultes ce que c'est qu'un adulte. C'est pour ça qu'ils sont en rébellion contre les adultes. C'est pas la structure de la personne qui veut rester un éternel enfant. C'est assez rare qu'on voit ça. On voit ça un peu chez les Teflons, mais quand même pas trop. Alors que la partie d'ego, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut se défoncer. Alors, elle n'a plus besoin des maudits parents. Elle n'a plus besoin des adultes. Incapable tout seul. Donc, elle veut se prouver qu'elle est un adulte. Et ça, ça crée un ego, évidemment, qui va faire en sorte... C'est ça qui va servir de base au lancement des stratégies qui vont finalement faire en sorte que les individus deviennent à leur âge ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand l'intelligence arrive jusque-là, ben nécessairement, ça commence à tripoter ces couches-là. Et l'individu va voir réveiller les fondements de ce qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Des perdantes depuis la fin de votre adolescence, l'intelligence va commencer à réveiller ça. Et là, les personnes peuvent se sentir encore plus médiocres que jamais. Vous êtes des gagnants et des gagnantes, la personne peut se sentir subitement après à se relancer, même si elle aurait 50 ans. elle va réussir, parce que là, elle est en train de renouer avec ce qui l'a propulsé. C'était pas l'âge, c'était ce qui était là. Sauf que la majorité des personnes qui sont des gagnants, des gagnantes, sont des individus qui se sont toujours vus médiocres et qui ont créé un manteau qui va camoufler et supporter leur médiocrisme dans la progression quasiment exponentielle de se prouver qu'on est correct. Et quand l'intelligence commence à venir tripoter ça, non seulement tu as le goût, évidemment, tu pètes le feu, tu peux te relancer, mais en même temps, tu pètes le feu pour te relancer, mais là, tu es conscient que c'est parce que selon toi, tu ne vois rien. Alors, ça crée un phénomène fascinant, dirait M. Spock. Alors, l'intelligence continue à descendre, elle va tripoter ça au complet, puis enfin, l'intelligence va commencer à vous ramener des souvenirs du passé, puis elle va commencer à te reformer comme tu étais dans le passé, apparemment, mais en réalité, c'est juste qu'on brasse ça. C'est exactement comme vous avez un bac d'eau. Dans le fond, il y a une espèce de liquide qui est extrêmement dense, qui est bleu. En haut, on a un liquide moins dense, donc qui flotte à sa surface, qui est vert. Puis en haut, on a un autre liquide qui serait, par exemple, jaune. L'intelligence, au début, elle brasse le liquide jaune, c'est pas pire. Puis lentement, elle succionne avec une paille, puis en le brassant. Puis à un moment donné, quand elle commence à toucher au liquide qui est en dessous, ben là, ça crée un remous, puis ça brasse un petit peu. Puis là, c'est là, tu l'avais oublié, celle-là, parce que toi, tu ne vois que ce que tu projettes. Hein? On se connaît en fonction de ce qu'on exprime, de ce que les autres nous retournent. Puis là, à un moment donné, ben, tu as commencé à réexprimer ce que tu étais. Puis en même temps, on mélange ça avec le jaune un peu, ça fait un ramassé intéressant, tu ne te reconnais plus du tout, du tout. Et puis là, ça va continuer à brasser ça, puis à suctionner ça au complet, puis on va aller réveiller la couche dense dans le fond, là. Puis là, tu vas te reconnaître comme étant ce que tu étais dans le passé. Il y a des individus, c'est assez exceptionnel, qui vont voir, qui vont être capables de goûter un peu à la première couche, aux sept premières couches, des réincarnations du passé, un peu aux sept qui sont successives, puis normalement beaucoup aux autres. Quand les personnes se disent, ouais, mais moi, je réincarne qui? Ben écoute, tant qu'on n'a pas commencé à brosser le fin fond des manteaux de ton ego, tu ne peux pas savoir qui tu réincarnes. Ce n'est pas nécessaire que tu le saches. Mais il y a des personnes qui vont goûter là un petit peu, qui vont goûter là un petit peu, qui vont goûter là un petit peu. Mais dans la purification, au niveau de la conscientisation, à un moment donné, on commence à être beau, à être belle. On commence à être correct. Il faut s'attendre à une maudite rechute, à une rechute sévère. Mais la rechute sévère, elle peut durer une heure et demie. J'ai toujours dit une chose intéressante. Souvent, je disais ça au séminariste, au groupe des chefs. C'était ma prochaine question. Et ça, c'est que tant qu'on peut se parler, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes en communication avec des individus, puis à un moment donné, vous ne pouvez plus leur parler, soit que c'est de votre faute, vous ne voulez plus parler avec eux, soit que c'est eux autres qui ne peuvent plus vous entendre parler, là, il y a un danger sévère. Il y a un danger sévère que l'individu, finalement, rétrograde 15, 20, 30, 40, 50 ans en arrière, puis soit redevienne ce qu'il était avant, même son début de processus. C'est la parole. Vous entendez bien avec quelqu'un, puis à un moment donné, il n'avait carrément ras-le-bol. C'est vous qui n'avez ras-le-bol. Faites attention. Parce que c'est dommage de perdre des individus avec lesquels on peut évoluer, des amis souvent, hein, pas toujours, des amis souvent, des amis, uniquement parce qu'à un moment donné, on a un ego qui ne veut plus rien savoir. Et quand c'est nous autres qui est en doute ou en considération d'amitié avec quelqu'un d'autre, il faut s'interroger soi-même. C'est ça. C'est très important d'interroger parce que finalement, tu as créé, disons, un empire humain qui est intéressant. Et puis là, parce que tu es revenu avant de créer l'empire, au niveau des processus psychologiques, tu aurais probablement le goût de repartir et de créer un empire, puis de rejeter, comme de rejeter le monde des adultes, de rejeter l'empire d'adultes que tu as créé toi en tant qu'adulte. Fait que tous tes amis, puis tout ce que tu as fait au complet, à un moment donné, là, il te semble que c'est pas ça du tout, puis là, tu vas te relancer comme quand tu étais adolescent. Tu as abandonné ta famille, tu as abandonné du monde qui t'aimait, du monde, tu as abandonné des amis que tu trouvais cons, tu trouvais, etc. Puis là, tu t'es lancé dans une affaire, tu as créé quelque chose, puis à travers la trame de ta vie, tu as abouti quelque part. Puis à un moment donné, la conscientisation te ramène progressivement au niveau psychologique, pas au niveau d'intelligence, ça t'est bien différent, mais au niveau psychologique où vous étiez au départ. Puis là, là, tu rejettes encore le monde des adultes, mais ce que tu as créé, toi, c'est créé par un adulte. Bien, ça aussi, c'est à rejeter du point de vue du processus de l'ego. Mais si on a eu une... La joie s'en vient après ça. Oui, j'espère qu'on y a eu. Si on a eu... Je prends mon cas. De 0 à 18 ans, j'aimais pas du tout, ou j'aime pas encore, ce que j'ai vécu de 0 à 18 ans. De 18 ans à, disons, 30 ans, bon, ça a été des motivations extérieures, ou ce qu'on a appris, ou ce qu'on est devenu. De 18 ans à 30 ans, beaucoup plus intéressant que ce qui était de 0 à 18. Mais là, si tu... Puis ce que tu dis, c'est effectivement ce que je vis, puis ce que j'ai vécu. Tu passes de 30 ans à... Tu veux pas y retourner dans la période où tu te sentais plus bas, plus petit, plus faible. Mais t'as tout fait quand pour t'as déjà été plus grand, plus gros, plus fort. T'as tout fait pour t'en sortir. Puis là, tu vas revivre les mêmes maudits processus d'époque Alors que l'humain n'est plus le même, alors plus le même du tout. Parce que vous autres, là, ça arrive souvent. Il y a même des personnes âgées qui vivent ça quand même assez souvent. À un moment donné, ils ont l'impression de ne plus être à la hauteur de quoi que ce soit. Mais là, l'archétype va dire, ouais, mais à mon âge, je ne peux plus rien faire. C'est tout faux, ça, là. Ça n'a rien à voir. Une personne qui a de l'expérience, imaginez, à un moment donné, vous pensez, vous n'êtes plus capable de rien faire. Psychologiquement, tu sais, vous n'êtes plus dedans. Avec l'expérience que vous avez sur la planète, puis l'expérience humaine, puis les contacts, puis tout ça, quand vous étiez adolescent, vous vous lancez dans la vie, pas de contact, pas d'expérience, puis rien. Puis maintenant que tu as des contacts, tu as des amis, puis tu as de l'expérience, tu penses plus rien faire. Alors qu'avant, tu avais tout pour ça, puis tu pensais que tu peux tout faire. C'est un état plus qu'un âge. On se sent dans le même état qu'on était dans une période de temps. Mais comment faire pour les passer, cette couche-là? Fie-toi à ceux sur qui tu te fiais. Puis si ce que tu as appris, c'est de te fier sur personne, par l'expérience. Dans le sens que ce que je veux dire par là, c'est que toutes les recherches qu'on a faites, tout ce qu'on a été chercher à l'extérieur, nous a amené à passer ces sept couches-là. Donc, à se ramasser à une place où on ne voulait pas aller. Puis on pensait qu'on s'en allait dans la direction opposée, mais on est en train de revenir vers l'état de l'adolescence. Ouais, c'est sûr. Fait que là, tu dis, bien, ceux qui m'ont ramené à cet état-là, comme je ne veux pas y aller, je ne me fie pas aux autres. Oui, sauf qu'il faut que tu comprennes, il faut que vous compreniez tous que ceux qui vous ont amené à cet état-là, c'est vous autres. C'est toi. Ben, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Bon, là, je le répète. OK. Me le répéter, il aime ça. J'aime ça d'entendre dire ça. Allez, c'est ça. Alors, finalement, ceux qui t'ont ramené là, c'est toi. Il est bête. Faut que je me parle tantôt. Parce que ceux à qui tu faisais confiance, c'est ça. Quand vous faites confiance à quelqu'un, c'est que vous faites confiance à votre capacité de reconnaître que l'autre est correct. C'est ça, faire confiance à quelqu'un. C'est faire confiance à soi. Pas confiance en moi, je peux pas confiance aux autres, parce que je suis pas convaincu que je me trompe pas en faisant confiance à l'autre. Puisqu'on fait confiance à son jugement, finalement. Exactement. C'est sûr qu'on se fait ramasser, puis on se fait manipuler là-dedans, etc. Mais sauf que l'humain finit par développer une sensibilité qui lui fait reconnaître une bonne pomme d'une mauvaise pomme. Ça, il a fallu qu'elle mange peut-être des pommes avant. Il y en a qui avaient un verre dedans, il y en a qui en avaient deux, il y en a, c'était pire, il y en avait la moitié d'un, tu sais, quand ils mangeaient. Bon, mais il y a des pommes pourries. Effectivement, c'est mieux un complet qu'une moitié. Ben oui, mais c'est ça, parce que l'autre moitié, ça demande du catalyse. C'est des bonnes protéines. Mais la personne, avec l'expérience, elle le sait. On peut se faire confiance à soi-même. Là, il arrive quoi? Ben, il arrive que l'intelligence continue, on défend encore une partie de l'ego, et puis là, vous vous retrouvez un peu à l'époque de votre guerre, de votre guérillera. De votre petite djihadade personnelle, petite guerre sainte personnelle. Et puis, progressivement, eh bien, vous allez vous ramasser si vous résistez. Ah, c'est ça, c'est sur la joie. pour expliquer. En grosse dépression. Ouais, ben. C'est ça. Burnout ou. Mais quand la dépression va être finie, tu vas être joyeux. OK. Mais on va justement parler des initiations la semaine prochaine, la semaine d'après, là, les lunaires et solaires, ce que l'humain vit souvent. Mais, on va boire à ça. Ouais, c'est ça. Mais il arrive simplement que la personne, vous savez, c'est la résistance de l'ego. Moins vous résistez à vous-même, moins vous résistez à votre intelligence, mieux c'est. Ça va résister en dedans, mais il faut prendre son corps et le bouger. C'est un fondement même de la nouvelle. Dans le fond, on n'a pas le choix d'être joyeux. Tu n'auras plus le choix d'être joyeux parce que... Si tu ne l'es pas, tu vas être malheureux toute ta vie. Oui, mais ça va faire partie de ton intelligence qui est d'être joyeux. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre les choses de façon lucide. Il y a des personnes qui disent « Ah, t'es illusion! » Puis je vais te chialer. Mais crime, c'est drôle, en maudit de voir que t'es illusion. C'est pas déprimant. Si tu te déprimes, c'est parce que tu n'as rien compris à l'illusion des choses. Ça te déprime. Tu n'as pas compris grand-chose. Tu n'es pas libre. Tu es complètement dans l'illusion. L'humain, ce qui va arriver, c'est que la résistance. Vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez. Hein? Vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez. Un ami, un patron, un employé, quelque chose comme ça, à un moment donné, tu travailles vraiment bien, puis j'apprécie ta présence. Mais là, il va penser que je suis homosexuel, il va penser que je vais sortir avec, il va penser que... Ça, c'est des raisons qu'on se donne. C'est des maudites raisons qu'on se donne. Bon. Et la personne, à un moment donné, va vouloir le dire. Ça peut être même à des personnes proches de sa famille, elle va vouloir le dire. Mais je t'aime. Ça va dire, tu sais que je t'aime beaucoup. Pas ça, ça ne va rien dire. Je t'aime beaucoup. Ça. Les superlatifs, quand on les rajoute, là, c'est, en réalité, c'est des diminutifs. Parce que dites à quelqu'un, moi, je t'aime énormément. Je t'aime beaucoup. Mais dites-lui, je t'aime. Elle voit l'impact. Alors, c'est mieux de les aimer énormément. Ça fait moins mal. Ah oui, le bonheur, lui, met en peur de ça. Je t'aime quand même. Ouais, je t'aime quand même. Je t'aime. Je t'aille moins que tout à l'heure. Lui, met en peur de ça. Alors, on a tabouisé l'affaire au complet. C'est évident, parce qu'on va toucher l'ego. L'humain a besoin d'être libre. Pas d'avoir un libre-arbitre, c'est même pas nécessaire. Les choses se font tout seul, ça se fait bien. L'humain a besoin d'être libre. Libre, ça veut dire ne pas être contraint à travers ses manteaux. Alors, vous voulez dire à quelqu'un, je t'aime, et puis là, vous n'êtes pas capable, et vous n'êtes pas capable, c'est ça les manteaux. Mais c'est la résistance de l'ego. Mais si vous lui dites, là, ça va vous sortir bien tout de suite après. Ça fait pas mal, mais dites-le pas. Mais dites-le pas souvent. Hein? Et puis, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes physiques. Vous allez être malade. En plus d'avoir une rogne contre l'autre. En plus de vous engueuler souvent. En plus d'un paquet de choses. Par projection, l'humain fait ça. T'sais, à force de ne pas pouvoir te parler, il m'a fini par te donner de la marde. Parce que c'est à moi que je vais en donner. Et c'est à cause de lui qu'il faut que je m'en donne. Parce que si c'est pas là, je serais pas venu à devoir lui dire que je l'aime. Fait que c'est ta faute. Non, inconsciemment, c'est ce qui arrive. Les maris, là, hommes et femmes, là, ceux qui vivent ensemble, les mariés, les à côté, en tout cas, tous ceux-là, là, bon. À un moment donné, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent plus rien. Pourquoi ils se disent plus rien? Ça a de l'impact. Nous, on s'est rencontrés, là. Disons que t'es une femme. Puis disons en plus que t'es jolie. Bon. Nous, on s'est. T'as beaucoup d'imagination. Mais disons que je suis une femme de bord. Okay. Et puis, on se rencontre. Je te ferai pousser les cheveux. T'es intelligent. T'es intelligent, mais t'as du goût. Ce qui fait que c'est ton rendez-vous avec moi. Non. T'as vraiment beaucoup d'imagination. Et puis, c'est le bonheur, tous les deux. Mmh. Bonheur. Mais un bonheur, mais tu dis un bonheur qui est reconnu, pour toi, un bonheur correct. Mais pendant un an, on a du plaisir ensemble. On s'amuse ensemble. On se déteste pas ensemble, après un an. J'essaie pas de mener ta vie, j'essaie pas de mener ma vie. On se donne des conseils, on se parle de temps en temps, puis quand tu me dis c'est assez, j'arrête, puis vice-versa. Mais après un an, on est encore heureux. Je te garantis qu'on va être malheureux. On sera pas un couple normal. Puis ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis que j'ai jamais rien passé. Les égos humains ne sont pas prêts à supporter ça. Alors, c'est l'expression traditionnelle, tu sais, une bonne chaîne de ménage de temps en temps, ça fait du bien. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que ça fait du bien. Ça donne une échelle de comparaison. Tu peux non, mais c'est pas ça, ça replace l'ego à une valeur acceptable du bonheur. Ça replace l'ego à une valeur acceptable du bonheur. Je suis pas trop heureux, donc je suis correct. Je suis heureux. Tu sais, ça le replace à une valeur acceptable du bonheur. Le gars qui la fille qui est en affaires, puis tout ce qu'elle touche, ça réussit. À un moment donné, ça va pas. Elle va se lancer dans des choses très dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, mais il me faut du piquant dans ma vie. C'est pas vrai. Elle recherche du malheur pour être capable de supporter son bonheur. Ça marche pas sans ça. Ça va mal. Les humains sont toujours comme ça. Il y en a qui se créent des cancers. Il y a un acteur dernièrement absolument correct, le bonhomme, il est mort d'un cancer. Pourquoi? Parce que ça allait trop bien. Ah, il est mort d'un cancer. Il fallait que ça aille mal. C'est toujours comme ça. Parce que l'humain n'est pas encore capable. L'humain souffre de médiocrité. On n'est pas bâti pour être assujetti aux traditionnalités. Vous allez enfanter dans la douleur. Ça s'adresse aux femmes surtout, là, ça, là. Bon, c'est pas mieux. Vous allez enfanter dans la douleur. Ça s'adresse aux enfants aussi. Vous allez arriver dans la douleur. Et puis, si c'est pas assez douloureux, on t'approche un peu, puis bon. Et puis, l'homme va gagner son pain à la sueur du front des autres, disent les Juifs, mais à la sueur de son front, disent les autres. C'est bon. Ah, il y en a qui sont patrons, puis il y en a qui sont pas. C'est correct, c'est génial. Sauf que c'est pas vrai, ça. Ça s'adresse pas à l'humain, ça. Pourquoi la femme, faut qu'elle enfante dans la douleur? On peut pas y piquer 3-4 points d'acupuncture. À qui ça s'adressait, si ça a été écrit dans des livres aussi connus que la Bible? Ça s'adressait aux oreilles qui voulaient écouter. Oh, mais les livres connus comme la Bible, c'est sûr que c'est un livre connu. C'est... Après la nuée téléphonique, c'est le livre le plus publié au monde. Bon. Mais il y a plus de monde dans la nuée téléphonique que dans la Bible, tu sais. Bon, en plus, on a leur adresse. Au moins, il y a un homme. Quand c'est ça, on a leur adresse, on peut même lui téléphoner, tu sais. Mais on sait plus à la Bible. Ouais. On peut même pas vérifier. C'est autre chose. Mais la Bible, c'est intéressant, sauf que ça compte l'histoire de l'humanité. Hein? On parlait de ça à un moment donné, parce que son jeune, c'était pas catholique. Il pose des drôles de questions. Ben oui, c'est ça. Et puis là, c'est ça, dans la Bible, on peut constater qu'à un moment donné, quand Yahvé chasse Adam et Ève du paradis, ils sont obligés de s'en aller rejoindre les peuples qui vivent dans les montagnes. Alors que ils ont été créés par Dieu, et les autres, ils viennent d'où? Puis quand Noé, c'est le seul survivant de l'humanité, parce que le déluge universel, ça a tout massacré au complet, puis quand il arrive sur le Mont Ararat en Turquie, ben là, ils s'en vont aussi se mélanger avec les peuplades qui sont là. Mais c'est pas parce que la Bible est menteuse, c'est parce que la Bible, c'est le premier livre raciste écrit au monde. Il est le plus vieux, mais pas parce que... Mais c'est comme ça que ça se passait. Il y avait une cité de Dieu, Jérusalem. Les autres cités, c'est quoi? C'est ça, la nôtre. Oui, mais il y avait aussi Rome qui était une cité de Dieu. Puis il y avait... Et puis quand on parle de l'humanité à l'époque, c'est quand les Espagnols parlaient de la terre civilisée. Ils ne parlaient pas de l'Amérique, ils ne parlaient pas de l'Angleterre. Ils parlaient de la terre civilisée. La terre civilisée, c'est parce que la terre civilisée, tout le monde comprend, la terre civilisée. évident, c'est pas la France, c'est la terre civilisée. Mm. Quand les Français parlaient de la terre civilisée, ben c'est évident, c'était pas le Portugal, puis c'était pas l'Afrique. Puis quand les Britanniques parlaient de la terre civilisée, ils parlaient pas de l'Inde. Ils parlaient de la terre civilisée, tout le monde comprenait. Mm. Alors l'humanité, c'est l'humanité, c'est l'humanité. Et les autres, c'est pas l'humanité, ça. C'est des peuplades, qui disent, on parle de l'humanité. Alors, la Bible parle donc, contre l'histoire de la race aryenne, une race blanche qui a vécu différentes épopées de la Lémurie jusqu'à maintenant. Mais, on va revenir encore un petit peu à notre sujet, mais après ça, on tournera l'âne, on va revenir un peu sur le coq. Toutes ces couches-là qu'on fait dans la Bible, puis toutes les stratégies évolutionnaires au complet, puis pourquoi l'humain est assujetti justement à vivre l'éternelle idée qu'il doit souffrir, puis qu'il doit être ceci, puis qu'il doit être cela, ça fait partie de l'évolution lunaire, de l'évolution méritoire. Si vous n'avez pas l'impression que vous avez mérité votre paradis, vous ne pourrez pas le supporter. Alors si on n'a pas l'impression qu'on a mérité notre bonheur, on ne peut pas le supporter. Mais l'humain n'est pas bâti pour être malheureux. L'humain, il n'a pas besoin de mériter son bonheur. Torpinouche, l'humain, il est bâti pour être heureux. Combien il y a d'animaux sur la planète qui peuvent rire? C'est drôle, hein? Incluant l'homme ou... Excluant l'homme? Non. Lequel? La hyène rieuse. C'est ça que je pensais, la hyène rieuse. Je suis sûr qu'il n'a pas me sortir ça. Bon, mais elle rit pas du tout. C'est parce qu'elle a des problèmes avec son poil, elle chiale. Mais l'humain pense qu'elle rit. Mais c'est ça. Ben, peut-être que les autres animaux pensent aussi qu'on a le même problème. Tu vas à Granby, là, puis tu te demandes toujours si les singes qui rient de ceux qui sont d'autres bords, qui font une grimace ou... Ben oui, c'est ça, mais quand tu es centré sur toi, tu sais qui est le singe. Il n'y a pas de problème. Parce qu'à un moment donné, on referait toi à Granby. C'est justement ça le problème. C'est ça. C'est facile, tu regardes, toi, la cage est là, tu sais, on n'est pas dans la cage, tu sais. Alors, il arrive ceci, c'est que l'humain est bien mal pris. Parce que l'humain ne peut pas supporter le bonheur, parce que l'humain s'est tellement fait de croûte. Et le bonheur implique nécessairement qu'on va devoir éliminer les petits manteaux. Puis les petits manteaux sont les traditions, nos habitudes, les rituels, nos sécurités, puis ce qu'on pense qu'on est. Puis tout ça au complet, l'intelligence, ça vient grignoter ça. Fait qu'en grignotant ça, ça crée de l'insécurité chez la personne qui se conscientise. Puis l'insécurité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on va recréer les manteaux. Parce qu'à l'époque, quand tu étais jeune, tu étais insécure. Bon, l'adolescent, tu étais insécure. Puis rendu jeune adulte, tu étais insécure. Puis tu crées toute une panoplie de mécaniques pour te sécuriser. Mais l'intelligence, elle descend là-dedans, puis elle vient commencer par te tripoter un peu ta religion. Après ça, elle tripote un peu ton ego. Elle tripote un peu tes espoirs de l'avenir. Tes croyances. Elle tripote tes croyances. Elle tripote un paquet de solidification des forteresses psychologiques chez toi. Puis là, en force de tripoter ça, tu te ramasses dans l'insécurité. Puis l'insécurité, ben l'insécurité résiste pas. L'humain est tellement beau, l'humain est tellement correct. Sauf que l'humain est totalement arcanisé, il est dans un paquet de manteaux. L'intelligence, ça va éliminer ça, puis elle va vous rendre adolescent, puis adolescente un petit peu au niveau psychologique, c'est-à-dire que ça va vous mettre en révolte, ça va vous mettre... Il n'y a pas quelque chose qui peut être problématique, puis là, vous risquez de refaire les erreurs du passé, en tant que jeunesse. Autrement dit, vous risquez de ne pas vous servir de votre intelligence. C'est dommage. Et ça, Il y a des personnes là qui ont été initiées. Hein? Peut-être initiées financièrement, au niveau de la santé, au niveau social, au niveau familial. Dans la conscientisation, parce que les gens résistaient trop. Les gens piquaient pas. Les gens résistaient trop au niveau d'ego. Et là, ce qui arrive, c'est que ça, c'est une approche de l'enfer. Mais quand on arrive à la deuxième, au deuxième bloc, là, quand on commence à tripoter les mémoires de la naissance, des débuts de l'âge adulte, là, on peut considérer qu'un individu qui résiste sérieusement va probablement faire une descente aux enfers. Comme il ne peut pas s'y en attendre, comme il ne peut pas, il ne peut vraiment pas. Ce qu'il a connu, c'était doux. Et l'autre croûte après la descente aux enfers, c'est l'individu toujours vivant. C'est ça la joie. Non, parce que dans le monde... De te réveiller vivant après la chute aux enfers. Oui, c'est ça. Alors, l'autre partie, c'est les parties réincarnationnelles où il faut que tu les digères. Il ne faut pas que tu vives ce que tu étais. Parce que là, il faut comprendre, c'est que quand l'intelligence va avoir démoli tout ce que tu es en tant qu'adulte, en tant que croyance, en tant que ceci, en tant que cela, vous n'êtes pas démoli. On n'est pas démoli, nous autres. Mais moi, ce que je pensais que j'étais, bon, j'étais ceci, j'étais cela, puis je suis pressé, puis à un moment donné, je me rends compte que c'est pas ce temps, même, il faut vivre. Puis là, c'est moi, en tant qu'adulte, qui commence à être changé. Mais là, à un moment donné, les fondements de mon état d'adulte, c'est mon adolescence, disons, ma jeunesse et mon adolescence. Quand ça vient me tripoter ça, j'ai l'impression que là, l'intelligence vient me tripoter ce qui m'a mis au monde. Alors, c'est évident que je ne suis pas intéressé. Puis là, je vais commencer à lutter contre l'agression des maudits adultes. Mais contre l'agression de l'intelligence. Contre l'agression de quelque chose qui est supérieur à mon ego. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si j'arrive à supporter ça, là, c'est contre toutes tes vies antérieures qui t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui. C'est ça qu'on va aller chercher maintenant. Et là, l'humain, il risque de traiter de tripoter en tabarnouche pour pas que ça y arrive. Parce que là, il va dire, écoute, là, en plus, on va même aller jusqu'à défaire mes arrière-arrière-arrière-arrière-ancêtres, donc ma lignée réincarnationnelle. Ça, dans le fond, c'est des croyances plus profondes et plus ancrées que les croyances qu'on a acquises. C'est les archétypes. Donc, il y a des néotypes, des nouvelles formes, justement, qui font partie de ta vie, puis les archétypes au complet. Comme quoi, l'humain, par exemple, n'est pas nécessairement ce que tu penses que l'humain est. Là, quand ça va jouer là-dedans, tu commences à être un être beaucoup plus cosmique. Comique, évidemment, quand tu vas parler aux personnes érudites, ils vont trouver que tu es comique. Mais tu commences à être un être cosmique. Parce que là, tu commences à savoir exactement, tu connais la valeur de l'humain, tu sais exactement pourquoi sa présence, tu sais ce qu'il fait, tu sais tout ça. Sauf que tu sais, par contre, que tous les espoirs de l'humanité, puis tout ce que l'humanité a envisagé, etc., ils sont pas dedans. Puis ils seront pas dedans non plus. Tu sais, des choses comme ça, mais il faut évidemment, mais rendu là, normalement, la personne est capable de le supporter. La croûte la plus difficile à défoncer, c'est la croûte de l'adolescence. Parce qu'une fois que ça s'est fait, tu as suffisamment d'expérience au niveau de ton ego, de la sécurité de l'intelligence, donc de ton intelligence. Maintenant, tu es tellement libéré des problématiques dans cette vie-ci, que tu vas être le meilleur instructeur, le meilleur maître qui va exister pour instruire tes lignées en arrière. Mais tu as survécu à deux démolitions. L'autre, elle se fait tout seul. L'autre est agréable. Relax. Ben, relax. Rassuré. Éclair, en tout cas, ça décolle rapidement, mais ça va bien. Alors, est-ce que la joie, c'est juste rendu là? Non. Goûter? Ou on n'est pas encore rendu? Non. La joie, c'est l'expression de la race nouvelle. Vous êtes joyeux bien vite, là, parce que... Oui, c'est ça que je suis en train de constater, là. Effectivement, il va falloir qu'on prenne plus de temps. Vous êtes malheureux pendant la pause, j'aurais bien voulu... C'est parce que j'ai envoyé télépathiquement un message à notre ami là-bas pour qu'il parte pas à la musique tout de suite, puis tout, tu l'as copié. C'est pas correct, ça. Il y a des lois contre ça. En tout cas, on en parlera une autre fois. Des lois d'auteur. Ben oui, c'est sûr. Il copie et enregistre les conversations télépathiques. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie, qu'est-ce que c'est la joie? Ben, on n'aura pas. On va prendre 15-20 minutes au début de la deuxième partie pour en parler. C'est très sérieux. La joie, c'est le rayonnement, effectivement. La joie, c'est ce qui va permettre à l'humain de pouvoir s'alimenter à partir de sa propre source. Quand vous allez être joyeux, vous allez vous énergiser. La joie, c'est une auto-synergie. C'est quelque chose qui se fait de par ton propre principe. T'es juste bien. C'est sûr que partout où tu vas aller, tu vas rendre les personnes joyeuses. Puis quand elles sont pas assez conscientisées, tu vas les rendre jalouses. Puis quand elles sont pas assez évoluées, tu vas les rendre esclaves. Ils vont te suivre simplement. Puis un peu plus conscientisés, ils peuvent être jalouses un peu. Puis plus haut que ça, ben là, ils vont devenir joyeuses. Bon. Mais le rayonnement, la joie, c'est quelque chose de spontané. J'ai déjà expliqué que être joyeux, c'est pas quelque chose qui se prépare. Si je demande à quelqu'un, dans le prototype traditionnel, « Es-tu heureuse? » Alors, regarde, c'est les 10 dernières journées, ou c'est les 10 derniers mois, ou c'est les 10 dernières années, puis etc., puis elle va évaluer. Mais ça, c'est mémoriel. Le bonheur de ce genre-là, c'est un bonheur qui est une vraie farce. Mais « Es-tu joyeux? » Ben là, faut qu'elle ne peut pas regarder nulle part, là. C'est oui ou c'est non, c'est vivant. La joie, c'est une énergie spontanée, ça fait partie de l'amour instantané, qui est, en termes énergétiques, un cran supérieur à l'intelligence supramentale, donc à l'intelligence instantanée. Et l'être nouveau va se connecter à l'intelligence, qui va lui permettre de vivre certaines choses, et il va se relier à l'amour instantané aussi, qui va lui permettre d'atténuer le contact de l'intelligence avec la psychologie de l'homme. Alors nécessairement, la personne qui va vivre la joie, c'est une personne qui va rayonner, mais qui va se nourrir. Et c'est extrêmement important de comprendre le principe. La joie, ça veut simplement dire être libre, être léger. Pour être joyeux, on va revenir évidemment. Pour être joyeux, ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit s'arranger pour comprendre le premier principe. Il y a un principe majeur au niveau de la joie, c'est qu'il y en a plusieurs. Le premier, disons, c'est que l'humain n'a pas été assujetti, ou l'humain n'est pas obligé de rester assujetti à des mécaniques de souffrance. Absolument pas. Puis ça, c'est pas une question, je comprends ça, mais je continue encore à souffrir, non, c'est pas ça l'idée, là. C'est que il y a une démarche qu'il faut que tu fasses. L'humain, on ne lui interdit pas d'aller à Québec. Ah, OK, mais je ne suis pas à Québec. Mais non. On ne t'interdit pas d'y aller. Ça veut dire que maintenant, tu pourras y aller si tu veux y aller. Alors, l'humain, on ne lui interdit pas. L'humain n'est pas. On ne lui interdit pas l'absence de souffrance. L'humain pense qu'il faut qu'il souffre. Il a peur. Deuxièmement, c'est que le bonheur ou la joie réelle, ça ne vous fera pas mal. Je disais souvent quand j'étais plus jeune conférencier, c'est qu'un jour, vous serez heureux. Et malgré vous. Il est heureux de l'être. À l'époque, oui, les gens vont être joyeux aussi. L'autre loi, c'est qu'il n'y a pas un problème sur la planète assez gros pour que vous ne puissiez pas vous en dégager. Mais la personne là, qui est trop sérieuse dans sa mécanique, elle va conserver le problème, puis elle va travailler pour s'en dégager, puis elle va faire des stratégies, puis elle va tourner autour, puis elle va... Ça ne veut pas dire qu'on se fout, on fout. Il faut être dégagé sans s'en foutre. Bon, sauf que souvent, les individus ne comprennent pas la nuance. Ils ne sont pas libres d'une chose, ils n'en sont pas dégagés. Alors, ils sont pris avec, ou bien ils en sont dégagés et ils s'en foutent. C'est pas ça. L'être humain est esthétique, c'est un aristocrate planétaire. Il faut être détaché, sans s'en foutre. Mais il n'y a pas de problème suffisamment gros à l'échelle humaine. Il y a d'autres problèmes, des vrais problèmes. Les petits problèmes qu'on a là, là, il m'a servi de l'argent demain matin, puis il m'a servi de l'eau pour me laver, puis c'est des problèmes. Il n'y a pas de problème assez gros pour que l'humain puisse pas s'en dégager. Sauf qu'évidemment, l'humain doit commencer par travailler sur lui. Vous savez, votre automobile, le moteur ne fonctionne plus. Il y a un maudit problème. Ah oui. Tu peux te dégager du problème. Ah oui, si je suis dégagé, il va se mettre à fonctionner. Là, tu n'es pas dégagé du problème. Tu n'as rien compris, là. Tu n'as foutrement rien compris ce que c'est qu'être dégagé du problème. Alors, regarde l'autre là-bas, son moteur ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il fait? Oh, lui, c'est un imbécile, c'est un épais, il prend l'autobus. Regardez ça. Et lui, il n'a pas de problème, lui. Et lui, c'est un épais, lui, c'est un imbécile. C'est comme je vous disais tout à l'heure, quand tu es juste un peu conscientisé, tu jalouses l'autre qui est un peu mieux. Puis quand tu es en bas un peu, ben là, tu essaies de faire, d'en faire une philosophie. Tu aimerais vivre comme l'autre là-bas, tu sais. Tu aimerais vivre comme les autres par l'autobus. Au lieu de prendre l'autobus, c'est mieux d'être malheureux puis de donner des coups de pied sur l'autre. Ben oui, parce que là, tu as l'impression que tu mènes ta vie, que tu peux être en beau maudit, puis que c'est. Oui, mais tu as raison, puis tu peux te. Tu te convertis toi-même. Bon, alors, la joie, c'est totalement autre chose. La joie, là, c'est de vivre sérieusement, hein, c'est, sans se prendre au sérieux. Et les personnes doivent développer ça. Fouillez autour de vous. Il n'y a pas un maudit problème qui vaut réellement la peine de vous tuer. Il n'y en a pas un. De vous rendre malade, il n'y en a pas un non plus. Il n'y a pas même un problème qui vaut la peine de nous rendre malheureux. Il n'y en a pas. Vos enfants des mauvaises notes scolaires. Vous avez déjà eu des mauvaises notes scolaires, vous autres? Hein? Puis les professeurs en ont eu plein. Bon. Et puis après ça, vos parents, ils vous ont tapé ses doigts, ça a changé quoi? On travaille avec eux autres, mais être malheureux, voyons donc. De toute façon, l'enfant qui est malheureux, il ne peut pas réussir à l'école, puis le professeur qui est malheureux, il ne peut pas enseigner à l'école, puis le parent qui est malheureux, il ne peut pas arriver non plus à parentiser sa vie convenablement. Cherchez, est-ce qu'il y a réellement des problèmes qui méritent que vous perdiez votre temps, votre vie, votre énergie? Est-ce qu'il y a réellement des problèmes? Là, tu me diras, oui, mais là, moi, je me suis fait saisir, là, tu sais, ils m'ont tout saisi. Écoute, t'es encore là. Parce qu'ils ont trouvé que ça ne valait pas la peine de saisir. Ça. Ils n'ont pas les moyens financiers et énergétiques pour arriver à ramasser une valeur aussi grande. Ouais. Ça libère. Ouais, on peut voir les choses comme on veut, mais ouais. Certaines, c'est qu'on est là. La personne qui ne comprend pas le principe de la joie, puis la joie fait partie de ce qui va vous nourrir. La joie va vous guérir. Oh, ça prend. Faut que je dise ça, encore grâce les médecins. Ça prend bien du temps. Bon. La joie de prendre des médicaments va vous guérir. Bon, voilà. C'est ajusté. La joie, ça guérit l'humain. La joie, ça l'empêche de vieillir. Puis la personne, elle se regarde dans le miroir et elle dit « Ouais, mais ça va, ben, il faut le guérir, moi! » C'est pas de ça que je parle. Je parle pas du vieillissement de ton automobile, là. C'est pas de ça que je parle. Je parle pas de tout. Le véhicule corporel, premièrement, on peut faire bien des choses avec. Les choses que l'humain imagine pas encore tout à fait. Mais c'est pas de ça que je parle. L'humain, avec la joie, l'humain va vivre d'une façon tellement différente, il va être capable de s'alimenter, de se nourrir lui-même, puis c'est le premier processus pour venir à s'aimer. Puis quand je dis s'aimer, je ne dis pas se regarder dans le miroir puis se trouver beau, puis se trouver cute. C'est pas ça, s'aimer. C'est pas de se dire, ah, moi, je suis pas pire. C'est pas ça, s'aimer. S'aimer, c'est pas ça. S'aimer, ça veut dire ne plus avoir à vivre pour les autres. Je peux rien prouver. J'ai peur d'un autre. Je dors bien. Je suis plus inquiet. J'ai pas l'impression de me faire fourrer. C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est d'être capable de dire à quelqu'un que, écoute, ce que tu fais, c'est pas correct à cause de quelqu'un. L'autre se met à t'engueuler, tu te dis, oh, on le voit. Tu te sens pas agressé parce qu'il te gueule après. Tu t'aimes. T'as pas besoin d'être reconnu par l'autre. S'aimer, c'est ça. Puis ça, c'est la joie. La joie, elle va amener là. On continue un peu après. On fait une pause, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel, vous les écrivez.